Bonjour à tous et bienvenue. Au nom de toute l'équipe du TAC, on est vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui un véhicule qui sort un peu de l'ordinaire, la Kia Proceed. Ah oui. Dans sa version 1.5 TGDI 160 chevaux, avec la boîte DCT7, c'est la finition GT Line Business de 2022. C'est un véhicule qui, honnêtement, bouscule un peu les codes. On n'est pas face à un break classique ou un énième SUV. Non, là, on a une silhouette beaucoup plus rare, plus élégante, je trouve. Un shooting break. Exactement, un break de chasse. Absolument. Et c'est un concept qui, historiquement, était plutôt réservé à une élite, quoi. Ici, il est réinterprété de manière très moderne. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une anecdote assez fascinante. Ce design a été entièrement conçu en Europe. À Francfort, c'est ça. Et l'intention des designers, c'était vraiment de créer une voiture qui semble, je cite, « sculptée par le vent ». Et on peut dire que c'est réussi. Ah oui, complètement. Sa ligne de toit plongeante et puis ce fameux bandeau lumineux à l'arrière. Ça lui donne un petit air de famille avec des modèles bien plus prestigieux. On pense à Porsche, par exemple. On pense à la Porsche Panamera Sporty Turismo, bien sûr, c'est un design qui fait tourner les têtes, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, le style, c'est une chose, c'est la première chose qu'on voit, mais l'agrément de conduite, c'est autre chose. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a un moteur 1.5 TGDI de 160 chevaux. C'est suffisant? C'est vif, c'est vraiment parfait pour, disons, des reprises sécurisantes sur l'autoroute, pour s'insérer en ville. Et ce qui est remarquable, c'est son association avec la boîte de vitesse, la DCT7. La boîte à double embrayage. C'est ça. Alors pour simplifier, c'est assez simple. Pendant qu'un rapport est engagé, le suivant est déjà prêt. D'accord. Donc le résultat, c'est que les changements de vitesse sont quasiment imperceptibles. Il n'y a aucune rupture dans l'accélération. Donc c'est à la fois dynamique et très confortable. C'est exactement le mot. Confortable. Et cette version, c'est une GT Line Business. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le meilleur des deux mondes. Le look sportif? Le look sportif, oui. On a les jantes spécifiques, la calandre iconique, Tiger Nose, un diffuseur arrière. Et de l'autre côté, le business. Voilà. Et à l'intérieur, c'est le confort et la technologie. C'est pensé pour les professionnels ou pour les longs trajets. D'accord. Donc on retrouve par exemple des sièges sport. Des sièges sport qui offrent un excellent maintien. Un grand écran tactile avec le GPS, évidemment la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Toutes les aides à la conduite essentielles, j'imagine. Bien sûr, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, tout y est. Et il ne faut pas oublier le coffre Bali. Ah oui, c'est vrai. Hein. 594 litres, c'est juste impressionnant pour une voiture avec une ligne aussi fuyante. Un point qui est, je pense, crucial pour un véhicule de 2022. Il bénéficie encore de la garantie constructeur Kia. La fameuse garantie de 7 ans, c'est un argument de poids. Ce qui veut dire qu'elle est valable jusqu'en 2029. C'est une véritable preuve de confiance dans la fiabilité du modèle. Et un gage de sérénité absolue pour le futur propriétaire. Absolument. Donc, pour résumer, cette Kia Proceed s'adresse à qui finalement? À ceux qui cherchent une voiture qui soit à la fois spacieuse, polyvalente, mais qui refuse de sacrifier le style et le plaisir de conduire. C'est une alternative élégante à la, disons, banalité de certains modèles. Tout à fait. N'hésitez pas à venir la découvrir. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt.